Loin d'être indigne, je m'en bats les couilles qu'on soit pour être talent. J'écris ma vie, j'en fais mon film, avant de baver tu peux tourner ta langue. Je suis qu'un mélange contradictoire entre le sourire d'un gosse sans père et les frères qu'on enterre, qu'on voit qui partent. Entre le sourire et les larmes, j'ai choisi mon camp. À moisir dans mes drames, j'en éternis mon temps. Coincé dans la rage, comment trouver ses vertus dans tout ça? Malgré l'orage, j'ai vu le soleil perdu dans ma broussaille. Dites à ma mère que je me sens bête, plein de gêne, qu'elle n'imagine pas à quel point je l'aime. Le daron m'a donné les armes pour faire tourner la file. Il est l'exemple, il chérit celle qui m'a donné la vie. Merci à vous de m'avoir giflé sans mettre mon corps en sang. Je le méritais, 22 ans plus tard vous êtes encore ensemble. Je mettais des coups de poing sans savoir ce que coûtait la porte. Je pense à mille choses bien sans pouvoir le gratter. Je laisse couler la prod. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Tous ceux qui m'entourent, ceux qui pensent à m'aider dans ma course. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Ceux qui m'ont tendu la main ou bien donné un coup de pouce. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Tous ceux qui m'entourent, ceux qui pensent à m'aider dans ma course. Merci à vous, merci à tous. Ceux qui m'ont tendu la main ou bien donné un coup de pouce. Chaque morceau laisse une trace, on pense pas ça quand on est petit, jamais. Je me dois d'écrire les choses qu'on dit jamais. Y'a du bien partout et peu de rappeurs le glorifient. Eh oui, c'est de relever la tête qui nous fortifie. Y'a qu'en étant seul qu'on capte l'étendue des pertes. Merci à ceux qui, quand j'étais en bas, m'ont tendu des perches. J'ai cherché l'espoir quand y'avait des murs blancs à repeindre. Je me suis perché dans le noir, j'en ai perdu du temps à me plaindre. Je voyageais qu'avec des thèmes d'exil. Mais on n'avance pas en rappant le même lexique. À dormir dehors, j'ai fait de l'or avec du bousin, c'est ma quête, rien d'élégant. Merci Morgan pour le coussin et la couette. Je pense à ces âmes qu'on a croisées dans le fond. J'ai remonté la pente, mais jamais ces souvenirs froissés ne s'en vont. Je te parle de ces regards noyés dans une malsaine fatigue. Qui m'ont accueilli comme ma deuxième famille. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Tous ceux qui m'entourent, ceux qui pensent à m'aider dans ma course. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Ceux qui m'ont tendu la main ou bien donné un coup de pouce. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Tous ceux qui m'entourent, ceux qui pensent à m'aider dans ma course. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Ceux qui m'ont tendu la main ou bien donné un coup de pouce. Je me suis trop reposé sur la balançoire de la tristesse. J'ai compris qu'il n'y a que la confiance en soi comme anti-stress. À ces sourires qui nous manquent, à voir mourir des frères si souvent on se perd dans ces soupirs qui nous plantent. JF, merci d'avoir pu côtoyer ta joie de vivre. Ton décès brutal en a chamboulé mes choix de vie. J'aspire à l'optimisme, si bien que dans l'inertie des fois je m'inspire du positif. Et pour ça je te remercie mille fois. Merci à ces frères qui donnent quasiment tout. S'ils savaient à quel point je suis fier qu'ils m'entourent. Ceux avec qui on part sans attache, aux kilomètres de route, avec le groupe, à tous ces moments qu'on partage. Aux mains qui se tendent bien loin de leur système totalitaire. Aux échanges, à l'amour, aux gens solidaires. Au public qui me rend 10 fois plus que je leur donne. Et à ma petite vie qui est bien plus belle quand je leur donne. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Tous ceux qui m'entourent, ceux qui pensent à m'aider dans ma course. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Ceux qui m'ont tendu la main ou bien donné un coup de pouce. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Tous ceux qui m'entourent, ceux qui pensent à m'aider dans ma course. Merci à vous, vas-y, merci à tous. Ceux qui m'ont tendu la main ou bien donné un coup de pouce.